Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Alors aujourd'hui, on va parler du discours sur l'état de l'Union Européenne, prononcé par la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen. Adam, quand va avoir lieu ce discours ? Alors il aura lieu le 13 septembre 2023 à 9h et sera retransmis sur les réseaux sociaux de la Commission Européenne et sur le site web stateoftheunion.ec.europa.eu. Et peux-tu nous dire en quoi consiste ce discours sur l'état de l'Union ? Alors chaque année, au mois de septembre, les eurodéputés font leur rentrée parlementaire et se rendent à Strasbourg pour une première session plénière après la pause estivale. À cette occasion, ils reçoivent dans l'hémicycle depuis 2010 le ou la présidente de la Commission européenne pour le désormais traditionnel discours sur l'état de l'Union. Donc l'objectif de cet événement de rentrée est double. Il permet d'abord de dresser le bilan de l'année qui vient de s'écouler, et dans un second temps, il donne les grandes lignes des principaux chantiers prioritaires pour les mois à venir. Au terme d'un discours d'une heure environ en moyenne, place au débat avec les eurodéputés. Chaque groupe politique peut ainsi questionner la présidente de la Commission européenne sur son bilan et sur ses ambitions pour l'agenda politique à venir. Cette dernière répond ensuite aux sollicitations des eurodéputés. Et avant que ce discours annuel soit instauré, comment cela se passait ? Alors à l'origine, le président de la Commission n'adressait aucun discours de politique générale qu'au début de son mandat, donc c'est-à-dire tous les 5 ans. Le discours sur l'état de l'Union, inspiré de l'équivalent aux États-Unis, permet ainsi d'expliquer, de discuter les objectifs et les projets de la Commission les 4 autres années, afin d'augmenter justement le contrôle du Parlement sur l'exécutif. Ainsi, le premier discours sur l'état de l'Union fut prononcé par le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, en septembre 2010, un an après sa réélection. Alors, quel sujet devrait être évoqué lors de ce discours ? Eh bien Yves, plusieurs thèmes devraient être évoqués. Au cours de l'année écoulée, les Européens ont traversé une crise énergétique, accueilli des millions de réfugiés ukrainiens dans le cadre du plus grand déplacement de population depuis la Seconde Guerre mondiale, et stimulé aussi l'économie grâce à des investissements sans précédent. Plusieurs actions devraient être mentionnées car l'Europe a été à la hauteur en se tenant aux côtés de l'Ukraine et en prenant des mesures importantes pour demander des comptes à la Russie, en stimulant aussi les investissements sur son territoire et à l'étranger, en remportant la guerre énergétique menée par la Russie contre l'Europe, ou encore en transformant son économie par l'accélération des transitions écologiques et numériques, et en protégeant ses valeurs fondamentales que sont l'égalité, l'inclusion et l'équité sociale. Et qu'est-il ressorti du discours de l'année dernière ? Eh bien, le discours de l'année dernière a présenté des idées pour relever les défis, notamment au sujet de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la crise énergétique, le changement climatique et la défense de la démocratie. Ainsi, depuis le dernier discours, la Commission européenne a présenté plusieurs propositions révolutionnaires, notamment la toute première approche globale de l'UE en matière de santé mentale, avec des actions concrètes visant à promouvoir une bonne santé mentale pour les Européens, ou encore aussi dans un autre domaine, une révision des règles du marché de l'électricité pour garantir de meilleurs prix aux consommateurs. Merci Adam, nous allons marquer maintenant une petite pause musicale en compagnie de Miley Cyrus avec Used to be Young, et on se retrouve tout de suite pour la suite de Europe On Air sur Fadjet. Truth is bulletproof, there's no fooling you, I don't dress the same. Me and who you say I was yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts, I'm going way too far. To be young, you tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy, that's cause I used to be young. Take one, pour it out, it's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met and ones that got away. Left my living fast somewhere in the past and took another road. Turns out crowded rooms empty, Be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's 'cause I used to be young. To be young. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe On Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle du discours sur l'état de l'Union qui doit avoir lieu le 13 septembre à 9h. Et on a vu à quoi servait ce discours prononcé par la présidente de la Commission européenne, mais est-ce une spécificité européenne ? Alors aux États-Unis également, un discours sur l'état de l'Union est prononcé chaque année par le président américain. Si la pratique est relativement nouvelle au niveau européen, son origine outre-Atlantique est bien plus ancienne. En effet, c'est en 1790 que le premier président des États-Unis, George Washington, inaugure cette tradition. Malgré une mise entre parenthèses entre 1801 et 1913, ce discours énoncé à Washington devant le Congrès est un événement majeur de la politique américaine, durant lequel le chef de l'État présente son programme pour l'année en cours. Dans l'Union européenne, c'est au Luxembourg que l'on trouve une pratique similaire. Donc chaque année, le Premier ministre tient son traditionnel discours sur l'état de la nation devant les députés. Et comme au niveau européen, ce rendez-vous est l'occasion de faire un état des lieux sur l'année écoulée et de se projeter sur celle à venir à travers quelques annonces. Aux traditions similaires, le discours du trône que l'on retrouve dans plusieurs monarchies. Ainsi, aux Pays-Bas, c'est le roi qui se livre au mois de septembre à cet exercice de présentation des grandes priorités politiques de l'année à venir, un discours rédigé par le Premier ministre notamment. Quels ont été les discours sur l'état de l'Union marquants ? Alors, certaines allocutions ont eu plus d'écho que d'autres, principalement en raison de leur contexte. Les deux premiers discours de José Manuel Barroso sont ainsi marqués par la crise grecque. En 2015, Jean-Claude Juncker se présente devant l'hémicycle dans un contexte difficile également, donc l'Union européenne est en effet confrontée à un afflux record de réfugiés sur son sol. L'année suivante, c'est un tout autre défi qui se présente aux Luxembourgeois. En effet, trois mois après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il tente de donner un nouveau cap et explique que l'Union européenne n'est pas menacée dans son existence. C'est aussi dans des conditions très particulières qu'Ursula von der Leyen, donc l'actuelle présidente de la Commission, est amenée à prononcer son premier discours en septembre 2020, un peu moins d'un an après sa prise de fonction. Donc à Bruxelles et devant un hémicycle à moitié rempli pour des raisons sanitaires, la présidente de la Commission, annonce ses intentions de rehausser les ambitions de son pacte vert, pilier de son mandat. En 2022, le troisième discours d'Ursula von der Leyen était sans doute le plus attendu de son mandat. La présidente de la Commission européenne est ainsi revenue sur les conséquences de la crise ukrainienne. Merci Adam pour toutes ces informations concernant le discours sur l'état de l'Union. Le Centre Europe Direct Territoire Lorrain a-t-il prévu quelque chose pour cet événement ? Oui, tout à fait Yves. Le Centre Europe Direct va se rendre dans le lycée des métiers du Toulois afin de visionner le discours avec une classe de terminale et ensuite échanger. Voilà, c'était la chronique Europe On Air sur Radio Fagette présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. Merci Adam. À bientôt, merci.